Le roi cambodgien Norodom Sihamoni a fait parvenir le 6 septembre un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire l'a félicité chaleureusement au nom de sa famille, de son peuple et en son nom, à l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée. Il a souhaité grand succès dans l'accomplissement de la cause historique du maréchal Kim Jong-un pour diriger la nation coréenne et l'État, ainsi que bonheur et prospérité au peuple coréen fraternel. Il s'est exprimé convaincu du développement continu des rapports d'amitié et de coopération entre les deux pays.